Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le lundi 11 février, j'espère que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine, que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez fait attention hier avec les rafales de vent qui ont soufflé très très fort par endroits. Si vous avez la chance d'être en vacances, et oui aujourd'hui c'est le premier jour des vacances scolaires, eh bien profitez-en bien. Si vous devez aller travailler, eh bien, bon courage. Nous sommes lundi, dans 5 jours, c'est le week-end. Allez, nous sommes donc le 11 février et aujourd'hui, c'est la célébration de Notre-Dame de Lourdes. En dicton du jour, en février, le tonnerre fait tenir l'huile dans une cuillère. Célébration internationale, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des malades, initiée en 1982 par l'Église catholique, le jour anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes. Au Cameroun, c'est la fête de la jeunesse. Aux États-Unis, c'est le jour des inventeurs en mémoire de la naissance de Thomas Edison. Au Japon, c'est un jour férié puisque c'est la date anniversaire de la fondation de l'État qui commémore depuis 1872 la fondation de la nation et de la lignée impériale. Et au Venezuela, c'est la journée nationale de l'anthropologue et du sociologue. Et dans les événements qui se sont déroulés, un 11 février en 1990 avait lieu la libération de Nelson Mandela. Allez, nous allons tout de suite passer une première pause musicale avec Serge Lama et le titre Femme, Femme, Femme. Hé, hey, l'ami, mets ton habit de fête, ton cœur de paillette et ton regard heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête charnelle avec les plus belles. J'ai gagné le gros lot. Ce soir c'est la vie de château. Femme, femme, femme, fais-nous voir le ciel. Femme, femme, femme, fais-nous du soleil. Femme, femme, femme, rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, femme, femme, fais-nous voir l'amour. Femme, femme, femme, sous son meilleur jour. Femme, femme, fais-nous in the room du prospère youpla, youpla, boum. Hé, l'ami, ce soir c'est la bourrasque. Je t'achète un masque et une chemise en soie. Ce soir je t'emmène, sors tes grands je t'aime de gala. Paris s'illumine comme une vitrine de traînée, de chevalier. Ce soir on est les héritiers. Femme, femme, femme, n'aie pas peur de nous. Femme, femme, femme, on n'est pas voyous. Femme, femme, femme, choisis ton endroit. Nous on ne s'y connaît pas, on ne fait confiance. Femme, femme, femme, on n'est que deux amis. Femme, femme, femme, qui se baigne un samedi. Femme, femme, femme, fais-nous in the room du prospère youpla, youpla. Femme, femme, femme, fais-nous robe du soir. Femme, femme, femme, champagne et caviar. Femme, femme, femme, ce soir c'est férié. On ne va pas regarder à la dépense. Femme, femme, femme, fais-nous confetti. Alcazar et tutti quanti. Femme, femme, femme, fais-nous in the room du prosper youpla, youpla, boum. Femme, femme, femme, fais-nous Carlo. Femme, femme, femme, fais-nous Jean Zizi au casino de Paris quand elle danse. Femme, femme, femme, fais-nous langoureux du spécial et du larme aux yeux. Femme, femme, femme, fais-nous in the room du prospère youpla, youpla, youpla, youpla, youpla, youpla, boum. Femme, femme, femme, Serge Lama sur RGM, il est un petit peu plus de 8h35, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 11 février 1943, naissance de Serge Lama, chanteur français, 1947, naissance de Jacques Pradel, journaliste français, 1959, naissance de Bradley Cole, acteur américain, vu dans la série télé française Les filles d'à côté dans le rôle de Daniel Green, ou encore la série américaine Haine et Passion dans le rôle de Jeffrey O'Neill. 1962, naissance de Sheryl Crow, chanteuse américaine, américaine, notamment connue pour le titre All I Wanna Do, dont on écoute tout de suite un extrait. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. We are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. The good people of the world are washing their cars on their lunch break. Hosing and scrubbing as best they can in skirts and suits. They drive their shiny Datsuns and Buicks. Back to the phone company, the record store too. Well, they're nothing like Billy and me, 'cause all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. I got a feeling. Voilà pour l'extrait de Sheryl Crow. On continue les anniversaires. 1969, naissance de Jennifer Aniston, actrice américaine, vue dans Bruce Tout-Puissant dans le rôle de Grace Connelly, Polly et moi dans le rôle de Polly Prince, Marley et moi, Ce que pensent les hommes dans le rôle de Bess, Comment tuer son boss 1 et 2 dans le rôle du docteur Julia Harris, connue mondialement grâce à la série télé Friends, hein, où elle a interprété le rôle de Rachel Green. Elle est apparue également dans la série Cougar Town. 1971, naissance de Damian Lewis, acteur britannique connu pour son rôle du lieutenant Charlie Cruz dans la série télé Life et celui de Nicolas Brody dans la série Homeland. 1972, naissance de Kelly Slater, surfeur américain qui détient 11 titres de champion du monde et plus de 50 victoires sur le circuit d'élite, ce qui constitue d'ailleurs un record. 1974, naissance de Julien Arnault, journaliste français. 1976, naissance d'Alexandra Nelden, actrice allemande connue pour avoir interprété le rôle de Lisa Plenske dans la série télé Le Destin de Lisa, et elle est apparue également dans quelques épisodes de la série Le Destin de Bruno, qui était la suite. 1977, naissance de Mike Shinoda, musicien américain, membre du groupe Linkin Park, dont on écoute tout de suite un extrait du titre In the End. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. Inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even how hard you try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. Voilà pour l'extrait des Linkin Park. On continue. 1979, naissance de Brandy, chanteuse, actrice américaine, vue dans Souviens-toi l'été dernier 2 dans le rôle de Carla Wilson, la série Drop Dead Diva dans le rôle d'Elisa Shane, est connue pour son duo avec la chanteuse Monica sur le titre The Boy Is Mine, dont on écoute tout de suite un extrait. Need to give it up. Voilà pour Brandy et Monica. Allez, on continue les anniversaires. 1981, naissance de Sonia Roland, qui fut Miss France 2000. Elle est devenue actrice, vue dans les films Minuit à Paris, Quai d'Orsay ou encore la série télé Léa Parker, où elle interprétait le rôle de Léa Parker. C'est également l'année de naissance de Kelly Rowland, chanteuse américaine, qui fut membre du groupe Destiny's Child aux côtés de Beyoncé. Et depuis, elle mène une carrière en solo. 1988, naissance de Jazz Recall, actrice et danseuse américaine connue pour avoir interprété le rôle de Claire Kyle dans la saison 1 de Ma Famille d'Abord. Son rôle d'Alison Hawkins dans la série Jericho est vu également dans FBI Portée Disparue, Resilient Isles ou encore Bones. 1992, naissance de Taylor Lautner, acteur américain vu dans 13 à la douzaine 2, connu pour son rôle de Jacob Black dans la saga Twilight et vu également dans le film Valentine's Day dans le rôle de Willie Harrington. En 1650, décédé René Descartes, philosophe mathématicien français, considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne, il reste célèbre pour avoir exprimé dans son discours de la méthode « Je pense, donc je suis ». En 1976, décédé Lee G. Cobb, acteur américain connu pour le rôle du troisième juré dans le film de procès « 12 hommes en colère » en 1957 et le rôle de policier dépassé dans « L'exorciste ». 1994, décédé Sorrel Book, acteur américain connu pour son rôle de Boss Hogg dans la série « Shérif, fais-moi peur ». En 2000, décédé Jacqueline Auriol, aviatrice française, première femme pilote d'essai en France. La même année, décédé Roger Vadim, réalisateur français, à qui l'on doit « Et Dieu créa la femme, les liaisons dangereuses 1960 »,« Barbarella, la jeune fille assassinée, une femme fidèle » ou encore « Surprise partie ». En 2012, décédé Whitney Houston, chanteuse, actrice, productrice américaine, vue dans The Bodyguard dans le rôle de Rachel Maron, productrice des téléfilms Princesse malgré elle et Un mariage de princesse. Et en 2015, on apprenait le décès de Roger Hanin, acteur écrivain français, vu dans le film Rocco et ses frères dans le rôle de Morini, mais on le connaît surtout pour son rôle du commissaire principal Antoine Navarro dans la série Navarro et du commissaire divisionnaire Navarro dans Brigade Navarro. Allez, on écoute tout de suite Kelly Rowland avec David Guetta sur le titre When Love Takes Over. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. I Kelly Rowland, David Guetta sur le titre When Love Takes Over sur le 107 FM. Il est presque 8h48, on fait un point météo. La météo. Alors, aujourd'hui, à prévoir un ciel très nuageux et très encombré avec quelques flocons de neige qui se transformera petit à petit en pluie, ou ça peut être de la neige et pluie mêlée. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés ce matin, entre 4 et 5 degrés pour cet après-midi. Demain, le retour des éclaircies, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin, entre 3 et 4 degrés l'après-midi. Mercredi, journée ensoleillée, des températures comprises entre moins 2 et moins 2 degrés le matin et entre 6 et 7 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler rugby avec le tournoi Destination et le crunch qui a tourné au cauchemar pour l'équipe de France masculine battue hier par l'Angleterre 44 à 8. Et côté féminin, défaite également de l'équipe de France, toujours face à l'Angleterre 41 à 26. Un mot de biathlon à Canmore avec les relais. Tout d'abord, le relais messieurs qui a vu la victoire de la Norvège devant la France et la Russie. Le relais féminin a été remporté par l'Allemagne devant la Norvège et la France. A noter que les sprints messieurs et féminins ont été annulés. Ils devaient avoir lieu tout d'abord samedi soir. Ils ont été reportés à dimanche en raison du froid glacial qu'il fait en ce moment à Canmore. Et bien hier soir, ils ont été annulés également à cause du froid. A noter que nos biathlètes français étaient plutôt satisfaits de cette décision. On les comprend, courir par moins 20, c'est pas des plus agréables. Donc voilà, un prochain rendez-vous pour le biathlon, eh bien, ce sera dès jeudi aux États-Unis à Salt Lake City avec le sprint féminin, mais on en reparlera bien évidemment d'ici là. Allez, un mot de hockey féminin avec le tournoi des 4 nations qui avait lieu ce week-end à la patinoire de Poissompré. Et la France a battu la Norvège 4 à 2 et ensuite samedi a battu la Slovaquie 3 à 1. C'est donc 3 victoires en 3 matchs pour l'équipe de France féminine qui remporte ainsi le tournoi des 4 nations. Et d'ailleurs, les joueuses de l'équipe de France étaient très contentes de leur passage à Épinal, comme on a pu le constater sur leurs différents réseaux sociaux, avec plein de messages remerciant notamment le public spinalien. Allez, on parle football maintenant avec les résultats de la Ligue 1 et la victoire de Marseille à Dijon 2 buts à 1. La victoire du Paris Saint-Germain 1 but à 0 face à Bordeaux. Amiens s'est imposé 1 but à 0 face à Caen. Angers s'est imposé 2 buts à 1 à Strasbourg. Montpellier et Monaco ont fait match nul de partout. Nîmes s'est imposé 4 à 2 sur la pelouse de Nantes. Toulouse et Reims ont fait match nul 1 partout. Lille s'est imposé 2 buts à 0 à Guingamp. Rennes s'est imposé 3 à 0 face à Saint-Étienne. Et Lyon s'est incliné hier soir à Nice sur le score de 1 but à 0. En Ligue 2, Nancy s'est incliné à 1 but à 0 face à Châteauroux et Metz a fait match nul à Lens 0 partout. En National 2, belle victoire d'Épinal face à la réserve de Lille, 3 buts à 2. En National 3, Reims-l'Étape s'est incliné à Bichheim, 2 buts à 1. Et Thaon-les-Vosges s'est incliné 1 but à 0 face à Mulhouse. En basket, en Pro B, nouvelle victoire pour Nancy à Aix-Maurienne, 77 à 86. Ce soir, 8e de finale de la Coupe de France pour Nancy qui reçoit Antibes. En National 1, victoire du Jet Vosges face à l'équipe de Besançon, 76 à 69. Et en National 3, défaite de Mirecourt à Wedbruck 91 à 86 après prolongation. On parle de ski avec les mondiaux et des médailles pour nos Français. Médaille de bronze en bosse pour Perrine Lafont. Ensuite, elle a été sacrée championne du monde en bosse parallèle. Et Kevin Roland a remporté l'argent en halfpipe et en freestyle. On termine avec du tennis et avec le tournoi de Montpellier. La victoire de Joe Wilfried Tsonga qui a battu son compatriote Pierre Gerber en finale, 6-4, 6-2. Il y avait également la Fed Cup ce week-end où la France a battu la Belgique 3-0, enfin 3-1 puisqu'ils ont quand même joué le double féminin. Et l'équipe de France affrontera en demi-finale la Roumanie. Et à Rotterdam, aujourd'hui, Benoît Paire affronte son copain Stan Wawrinka. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Whitney Houston et le titre « I Wanna Dance With Somebody ».